pour Lila Mélissine. Et ma vie à nu, mais pas la vie dessus. Mets ta vie en jeu, choisis entre moi et Dieu. Serais-je le plus ange de nous deux? Pas de condition, l'époque est révolue, sine qua non. Bien longtemps que j'ai croqué la pomme. Que sais-tu, demoiselle, de mes anciennes hirondelles? Se cache-t-elle dans mes traces, attendant que l'amour se passe? Friandise enrobée de glace. Me fait la course, c'est pour du long cours, un voyage ultime. Les sirènes porcelaines s'abîment. Fais le tour de mes erreurs de parcours, que ma vie sans tricher aimerait surmonter l'aide. Sans changer la règle du jeu. Si tu les pardonnes, que tu les emprisonnes, c'est mon jour de chance. Dans ton filet anesthésiant ma providence. Je serai capitaine comme écharpe de laine. Je t'offrirai ma foi te protégeant des coups en froid. Que l'on combattra cette belle croisière tout autour de la terre nous offre des rencontres et jeter par-dessus bord de monde. Emmène-moi dans ton sillon. Sur les traces de Cendrillon, je te suivrai jusqu'à l'amour pour notre voyage au long cours.